2. Sois fort dans les jambes, inspire, tend les orteils, expire. 3, inspire. Expire, 4. Inspire, expire. 5, inspire. Pousse sur la pointe des pieds, remonte les talons au ciel. Expire, plie genoux, continue de pousser face en l'air. Inspire par en avant puis l'autre. Expire, plie en deux, relâche les épaules. Et inspire, reste centré sur tes pieds. Épaules glissent en arrière, regarde tes pouces. Et expire. Inspire et on continue. Expire, descend. Inspire, bond en arrière. Expire. Inspire, cobra. Expire en chien tête en bas. Et on va rester un peu dans ce chien tête en bas maintenant. Respire profondément. Non, pas comme ça. Tends ton dos là. Allez, tends. Voilà, non. Non, pas comme ça. Non mais, ouais, voilà, allez, voilà, ah bah ça tire, hein. Allez, inspire, pointe des pieds, genou droit contre poitrine, pose le pied droit entre tes mains, pose pied gauche, talon sur le côté et remonte en guerrière. Bas au ciel, et expire en guerrier 2, et inspire. On va jusqu'au bout des petits doigts. On tend bien. Non mais les trois là-bas, vous faites quoi? Regardez, ils copient les uns sur les autres. On dirait vraiment des trois petits singes là. Mais on comprend rien. Oui bah si tu comprends rien, c'est parce que tu t'es pas assez concentré. Allez, guerrier 2. Inspire. Et bascule en avant. Les deux mains au sol. Inspire, amène pied gauche. Et remonte. Main au ciel, regarde tes pouces. Et expire, main près du cœur. Allez, maintenant on va passer aux postures inversées. Non, toi par contre tu fais pas les postures inversées, tu fais pas.